Déserter tes relations pour gagner en main l'intelligence. Question le point de vue. Déserter ma compagnie, cracher sur la jolie vie pour gagner en main de liberté. Question le point de vue.